Vous savez, Dreyfus. Oui, Dreyfus le traître, qui a été condamné pour trahison, qui est à l'île du diable. Ah oui. Bon, eh ben, il est innocent. Oh, c'est pas possible. Je ne suis pas trompé comme ça, quand même. L'affaire Dreyfus, les anti-Dreyfusards et anti-Dreyfusistes. Non seulement les anti-Dreyfusistes avaient fait une injustice exceptionnelle, mais ils avaient voulu faire une injustice sacrée. Ils avaient fait une injustice religieuse. Entendons-nous bien sur le sens de ce mot. Que la culpabilité de Dreyfus ait été feinte, imaginée, cultivée par les jésuites et par une immense majorité de catholiques, c'est un fait évident, important. Mais outre cela, tout ce qui touchait à l'affaire Dreyfus eut dès le principe un caractère propre vraiment religieux, au sens le plus respectable de ce mot. Dreyfus était devenu anathème. Quiconque le défendait serait anathème avec lui. L'arrêt du conseil de guerre était un article de foi. Ces mots, l'honneur de l'armée, devinrent une formule sainte prête pour le latin des prochaines litanies. Et les fidèles désiraient pieusement massacrer les infidèles. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Charles Péguy, qu'on a entendu souvent dans cette série, et Bertrand Joly qui en est l'invité pour le quatrième et dernier épisode. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand spécialiste du monde conservateur, nationaliste. Vous avez publié une très subtile histoire politique de l'affaire Dreyfus. C'est aux éditions Fayard. Alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on porte l'affaire Dreyfus tout de suite sur les autels de la mystique. Mais vous devez reconnaître quand même que Charles Péguy cherche à entrer dans le cœur des anti-Dreyfusards, les anti-Dreyfusards qui ont longtemps été majoritaires. Et vous, vous vous intéressez, comment dire, à l'anti-Dreyfusard moyen, quoi, que absolument. Vous auriez pu être, que j'aurais pu être. Certainement. Ah oui. Que nous aurions été au début, de toute façon, comme d'ailleurs tous les Français, à part une poignée, la famille et quelques proches, tous les Français en 94 ont cru de bonne foi que Dreyfus était coupable, parce qu'il n'y avait aucune raison d'ailleurs d'en douter. Les Français honnêtes, patriotes, le payant patriote leurs impôts. De droite ou de gauche, quelles que soient leurs opinions, leurs options, le lieu où ils vivaient, oui, le bon Français moyen était anti-Dreyfusard. Et le républicain en particulier. Alors vous commencez votre histoire politique de l'affaire Dreyfus par une analyse très fine de la République. Alors nous, on s'imagine toujours la Troisième République comme une statue sur un socle. Elle a beaucoup de fragilité parce que c'est une opération constante de synthèse, toujours remise en question. Absolument. C'est une synthèse dès le départ où la droite et gauche sont alliés, si je puis dire, pour bâtir un régime qui n'était ni parlementaire vraiment, ni conventionnel comme la gauche l'aurait voulu, qui était une sorte de régime d'assemblée où l'exécutif est toujours sous le contrôle du pouvoir législatif. Et c'est un peu ennuyeux, ce régime d'assemblée, avec des hommes en noir, en redingote et en haute forme. C'est plus excitant, je ne sais pas moi, de voir des nationalistes pur sang au milieu d'un troupeau de vaches. Certes, mais d'abord ils n'étaient pas tous noirs, rassurez-vous. Il y avait des costumes marrons, verts, c'était plus bigarré que vous ne le dites. Mais il est certain que la République avait dû, pour vivre, elle était née dans des conditions très difficiles, la guerre, la commune, pour vivre, elle a dû passer à une sorte de pacte tacite avec les grandes forces du pays. D'abord, les intérêts financiers. Ça voulait dire ce qui explique la résistance à l'impôt sur le revenu, qui a duré très longtemps. Et avec l'armée, on ne touchera pas aux privilèges, aux immunités de l'armée. On lui donnera un budget. On lui retire le droit de vote. Bref, on reconnaît une sorte d'autonomie très dangereuse, d'ailleurs à terme, pour l'armée elle-même. Le seul ennemi avec lequel on ne pratique pas, c'est bien sûr l'Église. Le compromis, il est passé aussi avec les artisans, les petits propriétaires, les paysans, mais je voudrais m'arrêter à ce que vous dites sur l'armée. Alors, l'armée, qu'est-ce qu'on sait de l'anti-Dreyfusisme réel ou pas ? Des officiers généraux, des officiers, des sous-officiers ? Bien, d'abord, la majorité, l'immense majorité d'officiers ne sont pas exprimés. On peut cependant extrapoler à partir de quelques cas un peu flamboyants, et peut-être trompeurs. Je pense qu'il est raisonnable de penser que, dans la grande majorité, les officiers sont anti-Dreyfusards. Il y a des Dreyfusards parmi eux. Il y a plusieurs. On cite toujours Lyautey, qui est le plus connu, le plus flamboyant. Il y en a d'autres, notamment ce commandant qui est en poste à Alger, en garnison, qui est antisémite totalement, mais qui dit, qu'est-ce qu'ils font à Paris? Ils sont fous, il faut qu'ils arrêtent. Si on veut démolir l'armée, il faut s'obstiner dans l'erreur. Là, on va dans le mur. Pétain, il était anti-dreyfusard. Pétain, de sa bord, était prudent, ne s'exprimait pas. Il a su prouver qu'il savait longtemps louvoyer. Il était sans doute, comme beaucoup d'officiers, assez indifférent. Car je crois que l'indifférence a été la grande maîtresse de l'opinion publique pendant très longtemps. Mais les militaires, comme les autres Français, croyaient, c'était un principe de la Troisième République, à la chose jugée. Absolument. Les républicains sont légalistes, dites-vous. Tout à fait, mais la chose jugée est d'ailleurs un principe qui, en soi, n'est pas scandaleux. Il est normal de croire à la chose jugée. En revanche, ce qui est anormal, c'est de croire que la chose jugée est intangible et invariable, qu'il n'y a pas de révision possible. Mais la chose jugée, je vous cite, la Bertrand Joly, l'avait été à la suite d'une enquête bâclée, d'une instruction partiale, et au fond, c'était un monstre juridique absurde. Absolument. Oui, c'était un monstre juridique, mais il avait pour lui toute la force de des rites judiciaires et d'un verdict rendu dans les formes apparentes de la légalité. Manquait un chef de qualité et une culture professionnelle suffisante à cette armée? L'armée n'a pas de chef. Bah, il y a un chef d'état-major. Non, le généralissime en cas de guerre n'est pas en temps de paix. En temps de guerre, il est prévu qu'il y aura un changement radical dans le haut commandement. Le ministre de la Guerre, lui, n'est pas le chef de l'armée. Il n'y a pas de vrai chef, ce qui peut-être vaut mieux. Et d'ailleurs, les républicains ne tiennent pas à ce qu'il y ait un chef. Il faudra très longtemps avant que les réformes, peu avant la guerre de 14, d'ailleurs, soient faites en ce domaine. Mais un général ministre de la Guerre, c'est bizarre, à nos yeux, aujourd'hui. Oui, à nos yeux, c'est bizarre. À l'époque, c'était la règle. Il y avait un amiral pour l'armée, pour la marine, et un général pour le premier ministre civil, c'est Charles de Freycinet, à la fin de la décennie 1880. Et d'ailleurs, ça sera très critiqué. Il y a une interpellation très virulente à la Chambre pour dire que l'armée, c'est une chose sérieuse et que ça, on ne peut pas la confier aux civils. Alors, en 94-95, quand commence l'affaire Dreyfus, il y a un général ministre, et lequel? Mercier. À l'époque, ce sont des journaux de taille modeste, mais assez braillard, qui tonitruent contre Dreyfus, insistant sur sa dégradation, la racontant longuement. Parmi ces journaux, un peu moins de 100 000 exemplaires, mais quelle influence, la libre parole d'Édouard Drumont, qui est ainsi peinte par Joseph Reynac, grand historien plus tard de l'affaire Dreyfus est à l'époque député des Hautes-Alpes. La vérité n'existe plus. Une turpitude nouvelle n'est pas plutôt révélée ou inventée qu'elle trouve partout créance. Et le pire, c'est qu'une fois de plus, les catholiques vont suivre. Eux qui se détournaient de Drumont l'anarchiste vont le rejoindre à présent. Comme un seul homme. Sans ces gens respectables, Drumont serait rien. Ah, les catholiques, sans ces gens respectables, Drumont ne serait rien. Alors, quelle est la position de l'Église? Vous nous avez dit que le seul ennemi réel pour la République, c'est le parti clérical à cette époque. Oui. D'abord, l'Église en France n'existe pas en tant qu'institution. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de chef là non plus. Non, alors, il n'y a pas de conférence des évêques comme aujourd'hui. Exactement. Le Concordat 1801 a voulu, très précisément, éviter au gouvernement d'avoir face à lui une puissance qu'il estimait redoutable. Donc, les évêques sont tout puissants dans leur diocèse, ne sont rien en dehors, ils n'ont pas le droit de se réunir sans autorisation, qu'ils ne l'auraient jamais donnée. Et donc, ils doivent être dociles au gouvernement, et en échange, on les laisse faire ce qu'ils veulent dans leur diocèse. Donc, il n'y a pas une Église catholique au sens où nous le disons aujourd'hui. En revanche, ça lui a évité à l'Église hiérarchique de dire beaucoup de bêtises, parce qu'en revanche, la presse catholique, qui ne parle qu'en son nom propre, est en effet extrêmement forte, extrêmement virulente. Le grand quotidien de l'époque, c'est la Croix. La Croix des pères assomptionnistes, qui a d'ailleurs reçu de Rome des consignes discrètes de modération qui n'ont pas été du tout suivies. Et puis, vous l'avez dit, libre parole, Drumont, qui n'est pas un journal catholique. Non, mais restons sur les catholiques. Je sais que vous voulez différencier l'anti-dreyfusard moyen de l'anti-dreyfusard extrémiste. Mais enfin, la Croix quand même. Et puis les Croix de province, parce qu'il y en a dans chaque diocèse. Pas et puis le pèlerin. Mais il y en a beaucoup, oui. Moi, je me souviens de l'affiche dans Le Juge et l'Assassin. On se promène en Ardèche et on voit un placard publicitaire, la Croix, le journal le plus antisémite de France. Ils faisaient leur publicité là-dessus. Et oui, c'est un empire. Et notez que la Croix se calme beaucoup à partir des élections de 98, qui ont été une déception, et il va mettre beaucoup d'eau dans son vin sur les ordres formels du pape, et après aussi une laïcisation, car les abstentionnistes en 1900 sont condamnés en justice et Mais n'anticipons pas, je sais que vous voulez dire que l'affaire Dreyfus, il faut l'étudier à chacune de ses étapes. Vous faites une remarque assez subtile. Au fond, ils sont contents d'être au diapason de l'opinion, là, les catholiques, dans l'hostilité à Dreyfus. Mais d'abord, les catholiques sont... Si on entend par catholique l'homme baptisé, ils sont majoritaires en France. 95% des Français sont baptisés en naissance, vont au catéchisme, et en général, après la première communion privée, cessent, pour beaucoup d'entre eux, toute pratique et se détachent. Ils reviennent se marier et se faire enterrer à l'église. Donc, la France catholique, elle ne l'est pas, d'une certaine manière. Et il est très difficile de doser l'influence que l'église peut avoir sur le français moyen. Il y a quand même quelques rares exceptions. Un abbé Pichot. Alors évidemment, ses fonctions ne sont pas prestigieuses. Il était professeur de mathématiques au collège de Felletin dans la Creuse. Mais enfin, il publie sur l'affaire Dreyfus, à rebours de ce que disent les journaux catholiques habituellement. Et puis, vous qui avez été élève à l'école des Chartes, il y a un grand professeur catholique à l'école des Chartes qui est Dreyfusard. Paul Violet, oui. Mais vous savez, les catholiques Dreyfusard ont été, à mon avis, plus nombreux qu'on ne l'a dit. Seulement, aucun des deux camps ne tenait beaucoup à leur faire une place. Les autres Dreyfusards voulaient dire « nous sommes les porte-parole du catholicisme opprimé » et les Dreyfusards estimaient que nous sommes les bons républicains, on n'a pas besoin de ces grenouilles de bénitiers auprès de nous. Donc, ils n'ont pas été reconnus dans toute leur force comme ils l'étaient. Il y a une allusion dans Proust d'ailleurs sur cette diffusion d'un dreyfusisme catholique beaucoup plus important, mais clandestin. Vous êtes là pour brouiller les cartes dans le dernier épisode. Par exemple, vous allez dire, je ne sais pas si on prend le cas des artistes, des peintres, aussi bien dans l'académisme que oui. Dans l'impressionnisme, les positions oui. Étaient partagées. Absolument. Un peintre académique type comme Henner est Dreyfusard. Des peintres d'avant-garde, Renoir, Degas sont anti-Dreyfusard. Paul Valéry est un anti-Dreyfusard convaincu. Et Cézanne? Cézanne, il s'est fort peu exprimé. Il vit d'ailleurs, il part en Aix-en-Provence. Il est pas au premier plan à ce moment-là. Et Claudel et l'héroïne Camille Claudel. Absolument. Anti-Dreyfusard. Rodin, lui, est très neutre. Ouais. Alors là, on ne se trompe pas. On a une valeur sûre si on vous fait écouter à cet instant précis Vincent d'Indy. Ça vous fait roupiller, Vincent d'Indy, dites-vous souvent? Ça arrive. Mais alors lui, c'est pas un tenant du modernisme en musique, c'est le fondateur de la Schola Cantorum. Plus tard, il va jouer un rôle important dans le nationalisme musical de la Première Guerre mondiale et il est farouchement anti-Dreyfusard. Voici sa fantaisie sur des thèmes populaires français, opus 31, interprété par Albrecht Meyer. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Les anti-Dreyfusards, avec Bertrand Joly, l'auteur notamment d'une histoire politique de l'affaire Dreyfus, où vous faites, Bertrand Joly, la différence très soigneusement entre l'anti-Dreyfusard moyen et puis l'activiste antisémite. Vous dites ça c'est la lie, mais le fond n'est pas là. D'abord, tous les activistes ne sont pas antisémites. À commencer par Déroulède, qui ne l'est pas. Donc vous êtes le biographe. Donc je suis le biographe, merci de le rappeler. Et comme Jules Lemaître, le fondateur et le chef de la Ligue de la Patrie Française. Donc les équations qui nous paraissent simples aujourd'hui ne sont pas totalement exactes. Vous avez passé un texte de Péguy au début. Péguy, c'est le grand témoin avec Maurras, Barrès, Léon Blum. Et ils nous ont trompés. Ils ont vécu une grande aventure, oui, c'est vrai. Et alors, dans leur livre, ils la transposent et ils s'imaginent que la France entière, jusqu'au bout des Pyrénées ou de la Lorraine, était au diapason de l'agitation. Non, ce n'est pas vrai. Mais tout de même, il y a Drummond et sa libre parole. Quand J'accuse est publié par Zola qui relance l'affaire au début de 1898. Il semble, à en croire le téléfilm d'Emmanuel Bourdieu, dont on va entendre un extrait, c'est Denis Pelédelides qui joue Drummond, c'est un téléfilm informé par la biographie de Grégoire Kaufmann consacrée à Drummond. Il semble donc que Drummond soit très vexé que Zola, le Rital dont le père vient de l'autre côté des Alpes, lui vole la vedette. Vous avez lu ou quoi ? J'ai l'impression d'être entouré de sourds et d'aveugles, moi. Enfin, vous voyez pas que ce salopard de Rital cherche à m'humilier ? Pas un mot sur mon journal et pas un mot sur moi. Sur moi qui ai tout fait ? Pas un mot. Mais cette affaire, c'est comme le Panama, c'est comme tout ce qui se passe dans ce putain de pays depuis 20 ans. C'est moi qui l'ai inventé. Et ce porc d'intellectuel, comme il dit, cet écrivain minable qui bave comme un chien en rut sur le seuil de l'Académie française, hein, ce salaud de pornographe a l'audace de tirer un trait sur tout ça, de me nier, moi, Drummond, de nier mon œuvre. Drummond, il n'est pas au centre de votre histoire politique. Non. Non, car Drummond, il atteint son apogée en 98 où il est élu député d'Alger. Mais c'est le champ du cygne. Il va être un député très mauvais. Ce n'est pas un orateur en plus, ce qui est très gênant à la Chambre. Et il va montrer qu'un antidreyfusisme politique, c'est-à-dire un parti, une force uniquement centrée sur l'antisémitisme, n'a pas de voie d'accès en France. Et donc, il va peu à peu décliner. Le texte qu'on vient de voir, donc qu'on vient d'entendre, est en effet très, très significatif d'une hargne constante chez lui et d'une envie d'être le pape. Il l'a dit, je suis le pape de l'antisémitisme, c'est l'inventeur, c'est mon œuvre. Il ne supporte pas qu'un autre vienne lui disputer la première place. Mais tout de même, cette année 98, vous dites, c'est un zénith. Pour l'antisémitisme, voit des manifestations partout. Alors je prends l'exemple de ma bonne ville de Saint-Malo, 21 janvier, placard appelant une manifestation antisémite. C'est une ville plutôt républicaine, conservatrice. Les intérêts commerciaux sont dominants, hein, on est d'accord sur l'interprétation. 200 jeunes plus 100 enfants frappent les volets des devantures des magasins juifs. Le lendemain, 22 janvier, ils sont près de 1000. Ils brisent les vitrines du Crystal Palace, dont les propriétaires éloignent les gérants, dont on peut penser qu'ils sont juifs. Et il brûle un mannequin symbolisant la juiverie. Tout ça dans cette ville tranquille. Et le 29 janvier, ils sont encore 400 et il faut installer une batterie d'artillerie. Place Bouvet contre les manifestants. Je lis tout ça dans un livre important, que vous n'allez pas contester, Le moment antisémite de Pierre Birnbaum, qui fait l'inventaire de tout ce qui s'est passé en France. D'abord, je suis en désaccord total avec Pierre Birnbaum sur ce livre-là. C'est quelqu'un que, par ailleurs, j'ai beaucoup d'estime pour lui et beaucoup de sympathie, mais son livre, non. Je ne suis pas d'accord du tout. Vous avez cité ici des faits graves. Il faudrait savoir quelle est la source. Est-ce que c'est la police, la justice ou la presse ? Quand j'ai étudié ces manifestations, je me suis rendu compte de désaccords permanents. Là, c'est un article de la Libre Parole, en fait, qui informe. On aurait pu s'en douter. Parce que on a des manifestations de 15 conscrits qui ont un peu trop bu, qui deviennent 400 sous la plume d'un journaliste un peu inspiré. Dites-moi, cette même année, Henri va être convaincu d'avoir fait des faux pour alimenter le fameux dossier secret de l'affaire Dreyfus. C'est le numéro 2 et de fait maintenant le numéro 1 du service de renseignement. Il est arrêté, il est interné au Mont-Valérien. Il se suicide et la Libre Parole a la joyeuse idée de lancer une souscription à travers la France pour élever un monument à sa mémoire. Alors c'est quand même très intéressant de regarder et les commentaires qui accompagnent les souscriptions et leur répartition géographique et sociologique. Alors d'abord, c'est pas pour faire un monument à Henri, une statue, c'est pour aider sa veuve à porter plainte contre Joseph Reynac. Mais on appelle ça le monument Henri quand même. On l'appelle parce que c'est l'appellation donnée par Pierre Quillard en l'éditant. Ça ne signifie sinon que c'est une sorte de monument élevé à l'antisémitisme pour Pierre Quillard. Alors ouf, la France de l'Ouest est un peu épargnée, la France de l'Est non, la France méridionale non. Il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de jeunes. Il y a au total 25 000 personnes concernées par la souscription. Beaucoup, la majorité, c'est il n'y a pas de commentaires, ni de nom, ni d'origine. Donc en fait, la carte de France qu'on peut en tirer est forcément à prendre avec beaucoup de réserves. Tout de même, il n'y a pas de commentaires, il y en a d'autres sont accompagnés de commentaires parmi les souscriptions. Je n'ai pas les lire parce qu'il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux d'aujourd'hui, on a exactement le même contenu. Cependant, moi j'insisterai sur un fait qui vous a intéressé, l'imputation de la descente sociale par beaucoup de souscripteurs aux Juifs. Et la volonté d'attribuer aux Juifs ses difficultés personnelles. C'est un des moteurs classiques, l'antisémitisme. la modernité, le monde de la finance qu'on connaît mal et dont on se méfie, ce sont les Juifs. Donc, quand ça va mal, il faut un bouc émissaire. Je crois que c'est un ressort qui se retrouve dans toutes les époques et tous les pays du monde. Il faut une minorité ethnique, des gens qui ne sont pas comme nous, pense le français moyen. Eh bien, c'est leur faute. Mais vous parlez toujours de français moyen et en titre réfusard moyen quand on lit le monument Henri, je mets entre guillemets les souscriptions. On en tire l'idée quand même qu'il ne faut pas donner d'avoine à la haine ou aux monstres qui sont en nous. Bien entendu. Mais encore une fois, si on compare le nombre de souscripteurs à la population française, le pourcentage est dérisoire. Et puis, je pense surtout, et c'est cela aussi, il y a un désaccord entre... Je suis en désaccord avec beaucoup d'historiens très respectables. Le monument Henri est une manifestation anti-Dreyfusarde, pas antisémite au départ, qui le devient dans certains cas. Je calculais, si je me souviens bien, que le nombre de connotations antisémites représente le cinquième des souscriptions. Toujours voir l'affaire Dreyfus année par année avec son évolution chronologique à partir de la date à laquelle nous sommes parvenus, le faux Henri, on sent que les choses sont en train de basculer. C'est décisif quand même ce moment. Absolument, les aveux d'Henri sont la première grande victoire des Dreyfusards. La seconde, on la sous-estime un peu, c'est la cassation. Car attendez, on n'en est pas encore là. La révision d'abord. La cassation permet la révision. Voilà. Ou alors expliquez-vous, pardonnez-moi. La première cassation, les Français sont légalistes, et là, tout d'un coup, la vérité judiciaire, la chose jugée, justement, s'inverse. Première cassation qui aboutit à la possibilité d'un deuxième conseil de guerre à Rennes. C'est ça. On en a parlé tout au long de cette série, et puis ça aboutit à la grâce présidentielle en septembre 1999. Mais moi, j'en étais déjà arrivé à la deuxième cassation qu'on a oubliée. Le capitaine Dreyfus accepte la grâce, mais il va être innocenté par les 18 conseillers unanimes qui planchent sur le sujet en 1906 à la Cour de cassation. Il y en a plus de 18. Il y en a plus de 18. Non, c'est toujours la Cour de cassation, toute chambre réunie. Ce n'est pas que la chambre criminelle. La loi ne sera modifiée qu'ensuite. Voici qu'un débat parlementaire suit. Et va y intervenir Barrès, dont on n'a pas assez parlé dans cette émission, que vous ne qualifieriez pas d'extrémiste. Si, un peu, mais Barrès défie toute classification. Alors, on sait qu'il est député de Nancy, et voilà comment il s'exprime après... Il est député de Paris. De Paris, il a été député de Nancy d'abord. Mais c'est très redoutable, un chartiste. Il s'exprime à la Chambre, après que Dreyfus a été innocenté. La parole est à Monsieur Barrès. Je voudrais échapper à l'atmosphère passionnée de cette assemblée et exprimer avec modération mes raisons. J'ai suivi les audiences du procès de Rennes, j'ai entendu, j'ai vu ce long débat, les témoins, leur confrontation, la physionomie des juges, la figure elle-même de l'accusé étaient des éléments de connaissance. Comment peut-on dire cela ? C'est à l'unanimité que la Cour de cassation a proclamé l'innocence de Dreyfus. Ces 18 conseillers furent, à mon avis, les bons serviteurs de la paix sociale. Néanmoins, quelles que soient les impressions que je ne puis pas chasser de mon esprit, de ma sensibilité et de tout mon être, je ne suis pas de ceux qui s'insurgent contre la vérité judiciaire. Dreyfus a été le traître pendant 12 ans par une vérité judiciaire. Par le crime de vos amis ! Depuis 24 heures, par une nouvelle vérité judiciaire, il est l'innocent. C'est une grande leçon, messieurs. Je ne dis pas de scepticisme, mais de relativisme qui nous invite à modérer nos passions. Subtil distinguo, j'ai accepté la vérité judiciaire telle qu'elle était établie, je l'accepte telle qu'elle est réétablie. Oui, Barrès parlait beaucoup moins bien en fait. Et c'est un orateur détestable, comme Drummond. Et ce qu'il veut dire là, quand on lit entre les lignes, ça veut dire « on a perdu ». Il est inutile de poursuivre comme certains le voudraient, comme la Chambre française va le vouloir, et par conséquent, maintenant, on tourne la page. Il y a d'autres choses. Barrès est en train de changer lui-même. Il est en train de passer du nationalisme dont il a été un des chantres à un conservatisme beaucoup plus placide. Mais il faut dire que les Dreyfusards se sont parfois transformés en anticléricaux-combistes. C'est la grande époque de la séparation de l'Église et de l'État. Et que ça justifie peut-être, aux yeux de Maurras ou des nationalistes de l'Action française, leur volonté de ne pas accepter le verdict final? Oh, je crois que, quelles que soient les circonstances, Maurras n'aurait pas accepté le verdict. Pour lui, Dreyfus était coupable, vérité d'évangile. Et vous connaissez son fameux cri à son procès à Lyon, à la Libération, quand on l'annonce qu'il est condamné à la prison à vie. C'est la revanche de Dreyfus. Il n'était pas sorti de l'affaire. Zola était mort en 1902, dans des circonstances qui laissent à penser que son poil avait, et la cheminée de son poil avait été trafiquée. Il entre au Panthéon en 1908, reconstitution de cette cérémonie à la Radio Nationale, 50 ans plus tard, avec Vire-le-Jeu dans le rôle du reporter. Le 6 janvier 1908, les cendres de celui que ses compatriotes appelaient l'Italien, l'étranger, la crapule, le vidangeur, sont transférées au Panthéon, au son de la Marseillaise, du chant du départ et de la marche funèbre. Et la cérémonie se terminait quand, dans le brouhaha des chaises déplacées... Qu'est-ce que c'est? On a tiré? Sur qui? Encore! Le président de la République est déjà sur le péristyle, ce n'est donc pas lui que l'on visait, à moins que ce ne soit M. Clémenceau. Mais non, c'est là-bas, de l'autre côté du catafalque, que la chose s'est produite. Je vais essayer de me frayer un passage à travers la foule. Pardon, monsieur. Pardon, madame. Pardon. Pardon, dites-moi, monsieur, dites-moi, sur qui a-t-on tiré? Sur le commandant Dreyfus. J'aperçois monsieur Mathieu Dreyfus qui tient un homme à bras-le-corps. Est-ce que votre revolver était chargé? Mais non, j'ai voulu me livrer à une simple manifestation. Oh, mais si, il a été chargé son revolver, puisque voici le commandant qui, soutenu par le professeur Pozzi en habit d'académicien, par monsieur De Selve, préfet de la Seine, par d'autres encore, se dirige vers la sortie. Il est blessé au bras droit, il est pâle, mais sa démarche est ferme. Son frère Mathieu vient de l'apercevoir. Il tient toujours le meurtrier. Vous êtes un misérable! Vous n'avez pas même le courage de votre ignominie! Se précipite sur l'homme, on va lui faire un mauvais parti. Monsieur Mathieu Dreyfus a toutes les peines du monde à le protéger. Allons, laissez-le! Ce n'est pas à nous de le punir! La justice s'en chargera! L'homme que protège Mathieu Dreyfus, le frère du capitaine, en disant « la justice se chargera de lui », c'est... Grégory. C'est qui Grégory? Grégory, c'est un étrange bonhomme, il est passé par Normale supérieure. Et puis, il a vécu dans, disons, c'est un publiciste, pour résumer, catégorie un peu floue, journalisme, brochure, etc. D'un certain côté, Grégory ne représente que lui-même. D'un autre côté, son geste nous rappelle qu'il y a en France encore des gens qui n'ont jamais admis que Dreyfus était innocent. La justice s'en chargera, dit Mathieu Dreyfus à propos de Grégory. Oui, il faut être égaliste, on a souffert l'injustice. Oui, mais qu'est-ce qu'il est arrivé à Grégory? Il a été acquitté. Vous me direz que c'est le cas de Vaillant qui a assassiné Jaurès un peu plus tard. Comme Raoul Villain, oui. Il a été acquitté, ce qui nous rappelle également et prouve à quel point nos catégories sont simplistes. Il y a encore des gens qui ont cru longtemps, il y en a peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, qui croient que Dreyfus était coupable. La famille Dreyfus a fourni plusieurs officiers morts pour la France. Et la petite fille de Dreyfus, Madeleine, a été déportée et est morte en 1944 à Auschwitz, pendant qu'un autre petit-fils, sous-lieutenant de la France libre, était mort pour la France en 1942. Merci à vous Bertrand Joly. Merci. Votre histoire politique de l'affaire Dreyfus, c'est aux éditions Fayard. L'émission était préparée par Ilinka Negulesco, avec Claire Destacant à la réalisation, Pierre-Yves Rollin à la technique. Bonjour à vous Fabrice Drouel. Bonjour Jean Lebrun. Vous avez vu que 16 députés LR, avec Éric Ciotti, ont proposé que Dreyfus voie les années de l'île du Diable réintégrées dans sa carrière militaire, parce qu'il avait été très mécontent de voir qu'elles avaient été oubliées par une loi en 1906. Mais c'est une injustice totale. Donc vous êtes d'accord? Tout à fait. Avec la ministre de la Défense, Florence Parly, oui. Qui... semble proposer la même chose. Bon, mais votre sujet, cher Fabrice. Les Kurdes, à partir de la tragédie d'Alabja en 1988, quand Saddam Hussein lance des armes chimiques sur les civils kurdes, jusqu'à aujourd'hui, le lâchage des Kurdes par Trump.